Balobi yangenda yo remi banganga itapi gogo yelelobi yotikingana mawa nalirangana danigo tijila kai poke sango ya dudu na yeye na yeyogo Salisa bea mokiri ma nazali komoda ulu kosira awa nazangi bogo nazangi bato itapigo loin des yeux pris du corps ami est-ce que yo kubo salam itapigo go go Kandisa kata kwa likambo so kilikwe okole na kepo zwa nisa nisine kwa biya koluka. La vie, les êtres le plus cher nous quittent vite. Le bonheur se noie dans le chagrin et la vie emmène le deuil. Nul lieu, nul repoint sur cette terre ne peut nous être un refuge, car il nous faut le quitter, partir, toujours partir. Telle est la loi suprême. Maximum. Dans mon cœur. Merci beaucoup.